Les Chinois sont de grands sentimentaux. Ils aiment se promener en couple dans les parcs. Et c'est la même chose pour les mots. Ils n'aiment pas être seuls et ils ont l'habitude de se promener deux par deux dans la langue chinoise. C'est ce qu'on appelle la règle des deux syllabes. Cela veut dire que ces adjectifs qui ont un moteur verbe être intégré comme occupé, et vous allez en apprendre beaucoup d'autres car la langue chinoise en regorge, eh bien ces adjectifs à moteur se sentent mieux lorsqu'ils sont accompagnés d'un autre mot dans les phrases. Ainsi, nous pouvons utiliser le mot occupé, par exemple, avec un mot interrogatif d'une syllabe pour former un couple de deux syllabes. Alors avec quel mot indiquez-vous une question ? Ma. Cela fait une syllabe. Donc, nous avons une syllabe pour le mot occupé qui est... Ma. Puis le mot interrogatif. Ma. Donc, ces deux mots réunis font deux syllabes. Et maintenant, comment diriez-vous « pas occupé » ou bien « ne pas être occupé » ?« Bù méng ». Alors, un autre groupe de deux syllabes. Mais comment allons-nous faire pour dire « il est occupé » ? Quelle syllabe allons-nous utiliser ? Les Chinois ont un mot spécifique pour cela, et ce mot c'est « han ». « Vehouche de la victoire, han ». Alors, la « han » est très belle. Ce mot veut en réalité dire « très », mais il est aussi employé pour faire du remplissage dans la règle des deux syllabes, donc pour accompagner une syllabe isolée. La « reine » est très belle, un « V » rouge. Donc, comment dira-t-on « très » ? « Han ». « Han ». Et vous, comment dites-vous « très » ? « Han ». « Han ». Donc, pour respecter la règle des deux syllabes, quand on va dire « il est occupé »,« elle est occupée »,« ils sont occupés », ainsi de suite, il faut toujours ajouter ce mot spécifique, ce mot vide. Il n'a pas de sens en soi, sauf quand il veut dire « très ». Le reste du temps, il sert seulement à respecter la règle des deux syllabes. Et c'est quand ils vont par deux que les mots sonnent juste à l'oreille des Chinois. C'est comme en français, quand on dit « ne » dans « je crains qu'il ne vienne », on pourrait aussi bien dire « je crains qu'il vienne » et on serait compris. Mais il est plus courant d'ajouter le mot « ne ». C'est la même chose avec « han ». Donc c'est un mot vide de sens, utilisé avec des adjectifs comme « occupé ». Et vous en rencontrerez bien d'autres, des adjectifs comme celui-là. Comment l'utilisez-vous pour dire « très » ? Alors à chaque fois que vous voulez dire « très », vous accentuez le mot, hein, vous le dites en insistant. Nous y viendrons dans un moment, mais c'est bien d'avoir devancé mon explication. Alors, comment dites-vous « il est occupé » ? Il Ta. Le mot vide. Han. Occupé. Mang. Ta han mang. Alors à la place du mot vide, je pourrais aussi dire très. Elle est très occupée. Elle. Ta. Très. Han. Occupé. Mang. Ta han mang.